الحمد لله الحمد لله رب العالمين لا لونج ا ديو سينيور دي زونيفير واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين اجاتس qu'il n'y a aucune divinité à part Allah tuteur des vertueux واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الامين j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra et au nom des sables du désert, wa auladi adam wa hawa et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fil islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habibi Muhammadin al-Mustafa, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdal al-salati wa azka al-salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Tajidu ba'd al-nas yaqulu ghadan sa'af'alu kada wa af'alu kada. Tu trouves quelques-uns parmi les gens qui disent « Demain, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. » Ils font les plans ou le plan d'un mois, ce qu'ils vont faire pendant un mois, ou pendant une année, ou même un plan de 5 ans. « Wa hunaka man yughamir bi farwa ta'ila » Et il y a celui qui prend des risques et place une fortune dans un projet commercial. Et par la suite, des surprises ont lieu. Et tout devient perdu. Et on perd tout. Comme on a vu dans cette crise économique, التي تضرب العالم منذ أشهر exactement comme on l'a vu à travers cette crise économique mondiale qui frappe tous les pays du monde depuis des mois et des mois. وكم من أغنياء يعني كم من ملايير آلاف الملايير ذهبت des milliers de milliards d'euros ou de dollars sont partis, sont brûlés à cause de cette crise. Combien de riches pendant cette crise se sont appauvris? Et combien de sociétés ont été fermées? Et combien de travailleurs ont été licenciés? Tous ces gens-là avaient des rêves et des plans, des projets, des programmes, des plans pour cette année. Je vais acheter cela. Je vais voyager vers telle destination. Je vais faire telle et telle chose. Et la crise est arrivée. فَصَارَتِ الْأَحْلَامُ لَا شَيْءٍ et les rêves se sont réduits à zéro ou bien au néant. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ne dis surtout pas à propos d'une chose, je vais faire cela demain, à moins que ne le veuille Dieu, وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ et évoque le nom de ton Seigneur en cas d'oubli. أي كُلَّمَا قُلْتَ سَأَفْعَلُ شَيْئًا فَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ça veut dire, chaque fois que tu dis, je vais faire quelque chose, ajoute tout de suite si Dieu veut. بمعنى بمشيئة الله سأفعل. Ceci signifie grâce à la volonté de Dieu, avec la volonté de Dieu, je vais faire et non pas avec ma volonté. بمشيئة الله وليس بمشيئتي. وإذا نسيت ذلك إذا نسيت أن تقول إن شاء الله. Et dans le cas où tu oublies, c'est-à-dire tu oublies de dire si Dieu veut, وَنَسِيتَ قَوْلَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ فَقُلْهَا مِنْ بَعْدِ dit cette formule, par la suite, yani après l'oubli, min ba'd al-nisyan. Fadhkur rabbaka min ba'd bi an taqula insha'Allah, évoque le nom de ton Seigneur par la suite, ça veut dire en disant si Dieu veut. هذه هي تعاليم الإسلام. Tels sont les enseignements de l'islam. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Mais vous ne pouvez jamais vouloir que si Dieu veut, Dieu est toujours infiniment sachant et infiniment sage. أَنْتَ تَشَاءَ, toi tu veux. وَهُوَ يَشَاءُ, et lui il veut. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا شَاءُ, et il n'y aurait jamais que ce que lui il a voulu. لِأَنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا, parce qu'il est infiniment sachant et infiniment sage. لِأَنَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ, parce qu'il sait tout. وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ, et toi tu ne sais rien. وَلِأَنَّهُ يَفْعَلُ كُلَّ شَيْءٍ بِحِكْمَةٍ, et parce qu'il agit par sagesse. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. Innaka fi mamlakatillah, tu es maintenant dans le royaume de Dieu. La yumkin abadan abadan an ta'mal shay'an fi mamlakatillah illa bi idnihi illa bi mashi'atihi, et il est strictement impossible, que tu fasses n'importe quoi ou ce que tu veux dans le royaume de Dieu qu'avec son aval, qu'avec sa volonté. ولو اجتمعت في مؤتمر ولو اجتمعت الجن والإنس على أن يفعلوا شيئا, et dans le cas où les génies et les humains de la planète entière se réunissent dans un congrès ou dans un lieu, afin de faire quelque chose, فَلَنْ يَسْتَطِعُوا إِلَّا إِذَا قَالَ اللَّهُ نَعْمُ, ils ne peuvent rien, faire que dans le cas où Dieu dit oui. أخي, أختي, frère, sœur, مَشِيَتُنَا مَحْدُودَ, notre volonté est limitée, très limitée, وَمَشِيَتُ اللَّهِ مُطْلَقَ, et la volonté de Dieu est absolue, infinie, illimitée, وَاحِدْ فِي الْكَوْنِ, il y a un seul dans l'univers qui fait ce qu'il veut. Oh Allah, c'est Dieu. Fa'alun lima yurid, faiseur de ce qu'il veut. La ilaha illallah, il n'y a aucune divinité à part Allah. يَخْلُقُ كَمَا قَالَ, comme il l'a dit dans des versets coraniques. كَمَا قَالَ فِي الْقُرْآنِ, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, il crée ce qu'il veut. ويهدي من يشاء, il guide qui il veut. ويؤيد بنصره من يشاء, il assiste de sa victoire qui il veut. ويؤتي الحكمة من يشاء, il accorde la sagesse à qui il veut. يختص برحمته من يشاء, il réserve sa clémence et sa miséricorde à qui il veut. يعذب من يشاء, il torture qui il veut. يغفر لمن يشاء, il pardonne à qui il veut. لا إله إلا الله, il n'y a aucune divinité à part Allah. مشيئته مطلقة, sa volonté est absolue. اسمعوا ما يقول, écoutez ce qu'il dit dans quelques versets. فلو شاء لهداكم أجمعين, s'il avait voulu, il vous aurait tous guidés sur le droit chemin. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا, si ton Seigneur l'avait voulu, les habitants de la terre auraient cru tous autant qu'ils étaient. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, si ton Seigneur voulait, il ferait de tous les hommes une seule nation. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بسمعهم وأبصارهم. Si Dieu voulait, il emporterait leur oui et leurs yeux. Ça veut dire emporterait la faculté, leur faculté d'entendre et de voir. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Dieu est parfaitement capable de toute chose. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Mashi'atullahi mutlaqa. La volonté de Dieu est absolue. Wa mashi'atuna mahdoud wa murtabita bi mashi'atihi. Tandis que notre volonté est limitée et dépendante de sa volonté. Qala Sulayman alayhi salam. Salomon, prière et sage, lui dit une fois: La atufanna al-layla ala 70 imra'a. Qu'il a dit, aujourd'hui je vais faire le tour de 70 femmes, c'est-à-dire dans une nuit. Et dans une version, il a dit, je vais faire le tour de 100 femmes. نبينا صلى الله عليه وسلم محمد كان عنده ما يقارب 10 نساء. ودائما يتكلمون عنه. Notre prophète Mohammed, prière et sage lui, avait à peu près 10 femmes. S'est marié à peu près avec 10 femmes. Et toujours on parle de lui, toujours on le critique, prière et sage. Wa Sulayman alayhi salam 100 imra'a wa la man yatakallam anhu. Et Salomon, prière et sage lui, 100 femmes. Et personne ne parle de lui, personne ne le critique. يقول سأطوف على 70 امرأة في هذه الليلة. Il dit, je vais faire le tour de 70 femmes. Dans une version 100 femmes. في رواية 100 امرأة. تلد كل امرأة منهن غلاما. Et chaque femme parmi ces femmes va donner naissance à un jeune. يقاتل في سبيل الله, qui va combattre pour Dieu. فطاف بهن, il a fait le tour de toutes ces femmes. هذه مشيئة سليمان, telle est la volonté de Salomon. فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة, نصف إنسان, نصف طفل, نصف موجود ونصف الثاني غير موجود. ولا امرأة ولدت إلا امرأة واحدة, نصف رجل, إنسان معوق, ماذا سيفعل؟ Et toutes les femmes n'ont pas donné naissance à un jeune ou un enfant, à part une seule qui a donné naissance à la moitié d'un bébé. Ça veut dire un handicapé. هذه مشيئة الله. Telle est la volonté de Dieu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète, prière et sage, lui dit, والذي نفسي بيده. Par celui qui détient mon âme entre sa main ou dans sa main. لو قال إن شاء الله لم يحنث. وكان ضركا لحاجته وأدرك حاجته ولكان له 100 رجل مقاتل في سبيل الله وفي رواية ولا قاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. Le prophète dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, s'il avait dit, ça veut dire Salomon, s'il avait dit, si Dieu veut, il aurait honoré sa parole et il aurait atteint son but. Et dans une version, et ils auraient tous combattu pour Dieu subhanahu wa ta'ala en tant que cavalier. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Wa fil akhir, usikum wa nafsi bi taqwallah. Et à la fin, je vous recommande et je recommande à moi-même la piété de Dieu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأحبابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteur de Dieu, قال أحد الصالحين, l'un des vertueux dit, الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يعمل. L'inattentif, le distrait, lorsqu'il se réveille le matin, il regarde qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il va faire. Il va faire cela, cela, cela. وَالْعَاقِلْ يَنْظُرُ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِهِ. Et le raisonnable, lorsqu'il se réveille le matin, il regarde ce que Dieu va faire de lui. L'inattentif, Il va voir qu'est-ce qu'il va faire. Je dois faire cela, cela. Et le raisonnable, lorsqu'il se réveille, il pense à ce que Dieu va faire de lui. Al-Ghafil yansa bi annahu fi mamlakati Allah. L'inattentif, lorsqu'il se réveille, il oublie qu'il est dans le royaume de Dieu. Wa yadhun annahu huwa as-sayyid. Et il pense que c'est lui le maître. Et il dit, je vais faire. Et il ne dit même pas si Dieu veut. Le raisonnable, lui aussi, il veut faire cela et cela et cela, mais il n'oublie pas Dieu. Il n'oublie pas qu'il est dans le royaume de Dieu. Il va dire, que va-t-il faire de moi, mon Seigneur, aujourd'hui ? Est-ce que je vais mourir aujourd'hui ? Tu veux faire. Peut-être que tu vas mourir aujourd'hui, sans rien faire. C'est lui qui veut, c'est lui qui sait, c'est lui qui fait. Il dit, est-ce que mon Seigneur va m'éprouver aujourd'hui par une maladie qui va me terrasser? Est-ce que mon Seigneur aujourd'hui va m'éprouver par un malheur qui va me faire oublier tout ce que je voulais faire? Est-ce que Dieu aujourd'hui va me faciliter, va m'aider à faire ce que je veux? Raison pour laquelle le raisonnable, lorsqu'il dit je vais faire, il ajoute automatiquement si Dieu veut. Parce que celui qui dit je vais faire, lorsqu'il ne fait pas, c'est un menteur. Comme ça, nous on dit si Dieu veut, pour qu'on ne soit pas des menteurs. Il y a malheureusement des gens qui se moquent de cette formule islamique si Dieu veut. وجحا معروف في الثقافة الإسلامية بالذكاء والفلسفة إلى غير ذلك. Une fois, un homme a rencontré Juha. Juha est un personnage connu, célèbre dans la culture islamique ou musulmane par son intelligence et sa philosophie. التقى بصاحبه, il a rencontré un ami. فقال له صاحبه, son ami lui dit, ماذا ستفعل غدا يا جحا? Que vas-tu faire demain au Juha? Lui dit son ami. Faqala Juha. Juha a répondu, sa'adhhab ila souq li ashtari baqara. Je vais demain vers le marché pour acheter une vache. Et aujourd'hui on va dire, je vais au marché pour acheter une voiture. Qala lahu sahibuhu, qul insha'Allah. Son ami lui dit, mais dis si Dieu veut. Qala Juha. Juha a répondu, wa limadha qul insha'Allah. Et pourquoi dois-je dire si Dieu veut? Al-mal fi jaybi. L'argent se trouve dans ma poche. Wal-baqar mawjoud fi souq. Et les vaches se trouvent dans le marché. Wa fi masa'il ghad, le soir du lendemain, qala ar-rajul li Juha. L'homme a dit à son ami Juha, hal ishtarayt al-baqara? As-tu acheté la vache? Ajaba Juha, la. Juha a répondu non. قال الرجل ولماذا? L'homme lui dit pourquoi? قال Juha سرقوني إن شاء الله. Juha a répondu, on m'a volé si Dieu veut. أخي هنا فهم, là il a compris. أخي أختي عندك مشاريع, frère ou sœur, tu as des projets. عندك مشاكل, tu as des problèmes. تفكر كل ليلة في حلها, des problèmes pour lesquels tu passes peut-être une nuit à essayer de résoudre. Indak masa'ib, tu as des problèmes. Aqulu lak, je te dis, sallim al-amra ilayhi, laisse-le lui faire. Sallim lahu al-amra. Saharat a'yunun wa namat a'yunu fi shu'unin takunu aw la takunu. Inna rabban kafaka bil amsi ma kana sayakfika fi ghadin ma yakunu. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري لي خالق لي رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. لا تدبر لك شأنا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. لا إله إلا الله. عندك مشاكل، tu as des problèmes، توكل على الله، remettons à Dieu، وافعل ما تظنه خيرا لك. Et le matin fais ce que tu penses un bien pour toi. فإذا نجحت، dans le cas où tu vas réussir، فاعلم بأن الله وافق. Sache automatiquement que Dieu a donné son accord. C'est pour ça que tu as eu le succès. وَإِلَا فَشِلْتَ، et dans le cas de l'échec، فَاعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُوَافِقْ. Sache automatiquement que Dieu n'a pas donné son accord. لِأَنَّ مَا تُرِيدُهُ فِيهِ شَرٌ لَكَ. Parce que ce que tu veux contient un mal caché pour toi. والخير كل الخير فيما اختاره الله لك لا فيما اخترت انت لنفسك. Et le bien, tout le bien se trouve dans ce que Dieu a voulu pour toi, a choisi pour toi, et non pas dans ce que tu as choisi pour toi. فرض بمشيئة الله. Donc accepte la volonté de Dieu. فالعاقل هذه عقيدته. Le raisonnable, telle est sa foi ou sa doctrine ou sa croyance. هكذا يعيش في راحة نفسية. Ainsi le raisonnable vit paisiblement, tranquillement, une grande tranquillité intérieure. أما الغافل، tandis que le distrait, l'inattentif, celui qui ne pense pas à Dieu, qui ne pense pas qu'il est dans le royaume de Dieu, يتوكل على ذكائه، il s'en remet à son intelligence. يتوكل على قوته، il s'en remet à sa force, à sa puissance. يتوكل على ماله، il s'en remet à sa fortune. ويقوم بأشياء ومشاريع، et il entreprend des choses, il entreprend des projets. فإذا كانت مفاجآت، dans le cas où il y a des surprises, comme pendant cette crise mondiale, يعيش حربا نفسية. Il va vivre une guerre psychologique. يعيش حربا، يعيش أزمة نفسية. Il va vivre une crise intérieure. يعيش الشقاء. Il va vivre dans le malheur, la dépression. وربما في الأخير انتحر. Et peut-être à la fin, il va se suicider, il va se donner la mort par ses propres moyens. قتل نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et nul pouvoir, nulle puissance qu'avec l'aide de Dieu. أيها الإخوة في الأخير. À la fin, mes frères et mes sœurs. أقول لكم اليوم الجمعة الأولى في هذا الشهر. Je vous dis qu'aujourd'hui est le premier vendredi du mois. وفي الحقيقة الجمعة الأولى موعد لنا جميعا للعطاء لهذا المسجد. Le premier vendredi est un rendez-vous pour nous tous à donner de ce que Dieu nous a donné à cette mosquée, لبيت الله, à la maison de Dieu. فأنفقوا في هذا اليوم ولا تخشوا الفقر وكل ما تنفقون سيعوضه الله لكم في الدنيا والآخرة. ونسأل الله تعالى وتبارك أن يساعدنا على العطاء، إنه على كل شيء قدير. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب يا من لا إله إلا أنت اجعلنا ممن يحسون بك، ممن يفكرون فيك، ممن يقرنون مشاريعهم وأقوالهم وكلامهم بكلمة إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يرضى بمشيئتك. اللهم اجعلنا ممن يرضى بمشيئتك. اللهم اجعل لنا كل الخير في مشيئتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك